Il est fort possible que la première à subir les supplices infernaux ait été dans l'imagination de Dante, Béatrice elle-même, et que seulement après, elle ait été placée dans les hautes sphères. Cela explique assez la jouissance de lectrice prof de lycée. Cela montrerait que l'architecture métaphysique par excellence est quelque part le corps de la femme par lequel on transite comme le joueur transite par la Florence dès la Renaissance sur le jeu des Assassin's Creed, nous-mêmes en évoquant ces passages de l'objet Béatrice, soit son rire, de l'enfer jusqu'au paradis, nous sommes en train de jouer avec le corps de la femme, d'accomplir sa destruction, puisque son rire accomplissait la nôtre. Enfant 14, 7 juillet 2014. Enfin et par ailleurs, je dis au début de mon essai, c'est l'amour qui rend possible et qui donne lieu au rebond du plus éphémère des bonheurs, le rire qui déchoit le langage. Cela était peut-être naïf que de penser que c'était amour ce qui persiste dans une évidente pulsion de mort. Ce ne serait pas amour au sens lacanien, au sens où Lacan met l'amour dans les combles éthiques et suprême de la cure. Non, l'amour lacanien ne peut pas persister chez Dante, tout comme il ne peut même pas exister chez lui. Mais accordons à l'amour le pouvoir du sexe, et nous y voilà. L'amour serait pulsionnel en tant qu'il serait presque minéral, comme la chaleur alchimique, comme un principe moteur de l'univers, et ses rires seraient comme les principes orgasmiques de Wilhelm Reich, anthropisme cosmique, et pour cela, il existerait au paradis, comble de l'automatisme. La seule nature naturelle serait le rire du sexe, qui serait le principe qui renverse tout, tout ce qu'on pourrait vouloir édifier sur l'inconscient. Le rire serait au début de l'histoire de Dante, Vita Nuova, et au bout de l'échelle métaphysique, au bout de son mensonge, dans l'automatisme suprême de l'écriture paradisiaque, dans l'astérisme de Béatrice. Ce qu'on appelle amour au paradis est une métamorphose, une figure née par mélancolie. Guido Cavalcanti aurait voulu, selon ce que j'ai lu, dissuader Dante de faire de Béatrice sa muse déjà morte et de bâtir l'édifice qu'il a bâti. Quelque part, il faudrait abstraire du succès de l'œuvre de ses conseils et voir le conseil d'un ami pour quelqu'un qui montrait un prononcé penchant morbide. Il serait question d'une obsession chez Dante, d'une obsession maladive, née peut-être d'une mauvaise conscience. La blessure que Béatrice lui aurait infligée serait une forte atteinte à son narcissisme, mais elle ne serait possible si elle n'avait pas été menacé par elle. Il faut chercher comme aurait fait une Agatha Christie le crime là-dedans. Il est semblablement question d'une mise à mort à un moment ou à un autre. La chercher demanderait de tout relire à la loupe ce qui ne peut pas être mon propos compte tenu de mes limitations, mais je peux avancer de mon propre, que ce qui serait déterminant doit être le rire. Béatrice aurait ri de la mort de Dante, et elle nous apparaît fatalement morte. La justice est faite d'emblée, et ce qui reste tout au long de la vie, c'est une angoisse qui surplombe chaque propos d'écriture jusqu'à le ramener au monde des morts.